Chapitre 8. Mademoiselle Java. Est-il nécessaire de dire que Mademoiselle Gilberte Laval montait à cheval en garçon, jambes de ci, jambes de là? Ce qu'on sait d'elle le fait connaître assez. Elle était de ces écuyères modernes que le vieux mot d'Amazone ne peut plus qualifier et qui relèguent dans un passé définitif la selle accrochée, la longue jupe et le chapeau de forme. Jean Mareuil, dandy, le regrettait peut-être à part lui. Mais, homme de cheval, il n'en estimait pas moins la monte délicate et précise de la jeune fille qui, chose rare pour une femme, savait se servir de ses aides. Sous elle, le cob, bien manégé, s'en allait gracieusement, calme et cadencé. Ils passèrent côte à côte les obstacles du tir au pigeon. Après quoi, Jean Mareuil parla d'aller boire quelque chose au pavillon d'Armenonville. Les chevaux étaient en sueur. Ce jour de printemps avait l'air d'un jour de juillet, mêlé par erreur au calendrier du mois d'avril. Jean Mareuil et Gilberte, suivis du lad à quelques 20 mètres, chevauchèrent au pas sous la voûte des feuillages. Ils avaient parcouru le bois en tous sens et à toutes les allures. « Eh bien, mais, dit-il, c'est cela. Le 2 juin, dans un mois, pourquoi pas? Il ne me semble pas que nous puissions nous marier plus tôt, à cause des formalités. » « Alors, c'est dit, le 2 juin ?»« Topez-la » fit-il en tendant sa main gantée. Les chevaux se rapprochèrent l'un de l'autre, rangés à la pression des bottes. Leurs cavaliers, la main dans la main, se regardaient en souriant, les yeux égarés de bonheur. Ils se séparèrent à regret à cause d'une petite troupe qui arrivait au galop et qui les croisa dans un bruit de rire, de paroles et de cuir crissant. « Où irons-nous après ?» dit Gilberte. « Après le 2 juin, à Luversy, voulez-vous »« Vous plaisantez ?»« Certes, je plaisante, quoique l'avenir soit insondable. » »« C'est drôle que vous ayez pensé à Luversy, Jean. Quand j'étais petite, j'aimais à rêver que j'y serais si heureuse avec vous. »« Avec moi ?»« Oui, vous n'étiez alors, dans mes songes, qu'un monsieur, comment dirais-je, un monsieur blanc. » Blanc comme une page blanche, vous êtes venu vous dessiner sur la page. Il y a un banc à Luversy, un vieux banc de pierre. Combien de fois m'y suis-je assise auprès de votre fantôme négatif? Ah, tenez, c'est bête de ne pas pouvoir réaliser cela. Il ne tient qu'à vous. Gilberte exprima ses doutes par une moue significative. Je ne suis pourtant pas poltronne, dit-elle. « Ce n'est pas la peur, c'est que je ne sais quoi de pire, un recul de tout mon être, un refus d'obéir. Retourner à Luversy, c'est comme si on me demandait de me jeter dans le vide ou dans le feu. Ainsi, même si vous m'en priez, Jean. » « Je ne vous en prie pas, » prononça-t-il avec beaucoup de fermeté. « Pas plus tard que tout à l'heure, Madame de Praz a fait une démarche auprès de moi pour que je vous pousse à surmonter votre répulsion. » « Eh bien, non. Au contraire, mon avis est que vous ne forciez en aucune façon votre nature. »« Ma nature? Elle est stupide, ma nature. Je le reconnais, allez. Car enfin, cette vipère doit être morte. La raison me le crie. Et pourtant, mes nerfs sont plus forts que la raison. N'est-ce pas qu'elle est morte, la vipère de Luversy? C'est ma conviction. J'en ai même la certitude. » « Oh, la certitude !»« Oui, vraiment. J'en suis sûr, aussi sûr que si je l'avais vue morte, de mes yeux. »« Vous m'intriguez. Je ne saurais m'expliquer davantage. C'est une intuition, peut-être. »« Mais alors, cette intuition, pourquoi n'insistez-vous pas pour me la faire partager ?»« Parce que nous avons le temps, parce que les affections nerveuses, et c'est d'une affection nerveuse que vous souffrez, ne se guérissent bien que progressivement, et je ne veux pas vous ennuyer en gênant le travail de guérison, lent mais certain, qui se fait en vous. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais intervenir pour vous presser de revoir Luversy. Je vous demanderai plutôt, moi, de n'y pas penser. Je vous comprends mal. Cela me paraît plus sage, que voulez-vous? il y a des penchants, des habitudes, des phobies qu'il est astucieux de ne pas attaquer de front, mais de tourner par derrière en faisant semblant de les négliger. En somme, dit Gilberte avec un certain étonnement, vous me détournez de Luvercy, vous ? C'est inattendu. Mademoiselle Laval devait se rappeler, en des circonstances dramatiques, l'impression qu'elle ressentit alors. Ce ne fut à ce moment, en elle, qu'une nuance imprécise de sa pensée, trop fugitive et trop pâle pour qu'elle se l'exprimât. Plus tard, elle dut s'avouer que Jean Mareuil lui avait paru étrange, énigmatique et comme incompréhensible. Elle se souvint qu'un silence un peu contraint avait suivi ses paroles et que, si elle n'avait pas interrogé davantage Jean Mareuil, c'est qu'ils étaient parvenus au seuil d'Armenonville. Quelques instants après, installée à une table de la terrasse, elle n'avait pas osé, oser était bien le mot, remettre la conversation sur ce sujet. Elle préférait ne pas revoir, dans les yeux de Jean Mareuil, ce je ne sais quoi de trouble et de troublant qui s'y était levé tout à coup. Il y avait beaucoup de monde à Armenonville. L'endroit, dans ses verdures épaisses, avec ses fleurs et son petit lac, offrait le plus aimablement rustique des spectacles parisiens. Là, tout n'était que richesse, élégance, délices du luxe, dans la fraîcheur lumineuse d'une ravissante matinée. On y goûtait à la fois la beauté des femmes, le bon ton d'un monde discret, l'agrément des toilettes, le charme du printemps, la caresse d'un soleil tamisé de ramures, les parfums combinés des bois et de la mode. Au murmure des entretiens, s'alliaient des bruits d'ailes dans les frondaisons, des roucoulements, des pépiments. Un cheval hennissait. Les autos soutenaient de leur sourde rumeur continue ce léger brouhaha. Jean Mareuil et Gilberte, bien heureux l'un près de l'autre, se laissaient vivre. Dans leur haut gobelet cristallin, où l'orangeade mettait une eau solaire, les pailles rigides transperçaient la couche des glaçons. Un bien-être physique délectait leurs corps juvéniles et sains, impondérables à leur conscience. La destinée les enveloppait d'allégresse et l'amour engendrait en eux une attraction réciproque à laquelle ils résistaient non sans peine ni sans volupté. Il arriva cependant que Gilberte blêmit et fit un mouvement soudain. Jean Mareuil suivit la direction de ce regard pendant qu'elle s'exclamait « Oh non ! Vraiment ? C'est idiot ça !» Assez loin d'eux, parmi les tables, une femme circulait, tenant une sorte de coupe où les consommateurs déposaient des pièces de monnaie. Cette femme était grande et semblait fort belle, d'une beauté spéciale. D'une autre qui fut célèbre, on a dit « casque d'or ». D'elle, on eût dit « casque d'ébène ». Et, le disant, l'on eut tout dit. C'était une gigolette bien plantée, une très jolie fille, à l'œil intrépide, pleine d'aplomb et de crânerie. Sa chevelure noire et calamistrée, inébranlablement fixée par des peignes en diamanté de simili, plaquée sur ses joues brunes, des accroche-cœur précis. Rouge et noir, sa robe, d'un caractère évidemment théâtral, moulait des formes ravissantes, d'un contour ferme et cambré. Même à cette distance, le profil, en sa ligne faubourienne, avait de la pureté. Elle était haut-chaussée de bottines lacées qui faisaient singulièrement valoir le calme de sa jambe et la courbure de son pied. Mais ce qu'elle avait d'extraordinaire, ce qui accompagnait sa marche d'une espèce de remous dans les groupes mondains, ce qui, sur son passage, semait de petits cris et faisait reculer les femmes, non, certes, ce n'était pas l'excellent caniche chocolat avec son bonnet vert sur le front et qui suivait pas à pas sa maîtresse. C'étaient des serpents, de petits serpents glissants et sinueux qu'elle portait autour du cou et autour des bras, comme un vivant collier et de visqueux bracelets. « Croyez-vous ? » murmura Gilberte. « Allons-nous-en, dites ! Partons, je vous en prie !» La femme au serpent venait vers eux, très lentement, tendant à chacun sa coupe solliciteuse, replaçant parfois l'un des reptiles qui avait coulé. On l'entendait quémander d'une voix foraine. « Pour la charmeuse, messieurs et dames, merci, merci bien, merci !» Vous savez, moi, je m'en vais, Jean. Mais non, Gilberte, je ne souffrirai pas. Garçon ! Un maître d'hôtel s'approcha. Jean Mareuil lui remit un billet de 100 francs. Tenez, dit-il, donnez ça à la demoiselle là-bas, pour qu'elle s'en aille par où elle est venue, sans passer par ici. Vous avez compris ? L'homme s'inclina. Ils le virent aborder l'étrange fille et lui parler. Celle-ci prit le billet de banque, fit un signe d'acquiescement et regarda Jean Mareuil. Or, ce regard, neutre tout d'abord, fut comme traversé d'un éclair qui s'éteignit sur le champ. La distance empêcha Gilberte et son compagnon de le remarquer. Un instant encore, ils virent les yeux noirs les considérer tour à tour. Que cette femme parut un peu désemparée, chacun l'attribua naturellement à la confusion d'être ainsi congédiée. Elle tourna le dos et s'éloigna d'un pas nonchalant et balancé. En arrivant, elle avait déposé sur le gravier un petit sac de voyage en cuir fauve. Elle l'ouvrit et, sous l'œil attentif du caniche chocolat, saisit à pleine main les nœuds de serpent qui disparurent dans ce récipient insidieux. Des garçons, la serviette sous le bras, faisaient cercle autour d'elle. Quand elle fut partie, celui qui avait provoqué sa retraite revint dans son secteur. « Qu'est-ce que c'est donc que cette saltimbanque ?» lui demanda Jean Mareuil. « C'est Java, » lui fut-il répondu. « Monsieur ne connaît pas Java. Elle fait les boîtes. C'est le plus bel ornement des ternes et de la porte-maillot. Et des fois, comme vous voyez, elle vient jusqu'ici. » On la tolère parce qu'elle est très convenable. Et puis, ce n'est pas ordinaire, on a beau dire, non, ce n'est pas ordinaire. Monsieur a peur des serpents ? Combien vous dois-je ? Dit Jean Mareuil en tirant de son portefeuille une autre coupure de 100 francs. Il paya. Gilberte, prestement, fit garder la monnaie au garçon tout émerveillé. Comme vous y allez, fit le jeune homme en riant, pour boire royal. « Il m'a appelée madame. Avec vous, ça m'a fait un effet. C'est le premier. Madame, madame Jean Mareuil. Oh Jean, qu'il fait beau ce matin !» 10 minutes plus tard, il remontait à cheval. À peine sortis d'Armenonville, nos deux cavaliers se trouvèrent en face de Java. Elle était là, comme désœuvrée, avec son chien et sa petite valise. Et elle les dévisagea, cette fois-ci, bien posément, l'un après l'autre. Jean Mareuil surtout. Il y avait de la dureté dans ses sourcils. Un pli mauvais contractait sa bouche insolente. « Eh bien !» grommela Gilberte. « Elle n'a pas froid aux yeux, celle-là » Ils avaient passé. Aussitôt, une voix, derrière eux, appelant en demi-teinte. « Freddy ! Freddy !» Le caniche, en effet, s'était mis à danser aux naseaux des chevaux. « Freddy !» reprit la voix légèrement rauque. « Ne vous retournez pas, » dit Gilberte, « ça m'ennuierait !» Le cob pointa tout à coup. La petite main, si légère jusqu'ici, venait de se crisper sur les rênes. Jean Mareuil eut pour Gilberte un doux sourire amoureusement moqueur. Mais elle se détourna pour lui cacher 2 courtes larmes et poussa son cheval au galop sur un sol dur.